franceinter.fr. Aujourd'hui et demain, dans Affaires sensibles, deux émissions spéciales consacrées à l'un des événements majeurs de la seconde partie du XXe siècle et dont les résonances sont aujourd'hui particulièrement fortes, la révolution iranienne de 1979. Dans ce premier volet, nous revenons sur la chute de Mohammad Reza Pahlavi, le Shah d'Iran, renversé et contraint à l'exil après avoir régné pendant presque 40 ans sur le pays. Demain, second volet, dans ce qu'on appelle la fiction, mais qui est totalement adossé à la réalité historique, nous reviendrons sur les journées qui ont précédé et qui ont suivi le retour de l'Ayatollah Khomeini à Téhéran. Deux hommes, deux destins, deux trajectoires qui se croisent sans se rencontrer et qui illustrent à travers leur parcours, leur personnalité, leur action, deux régimes, deux visions du monde et surtout deux Irans. À la croisée de ces chemins, c'est le sort d'un pays pivot sur l'échiquier mondial qui bascule. Par son ampleur et ses conséquences, la révolution iranienne est comparable à celle qu'ont connue la France en 1789, mais oui, ou la Russie en 1917. De la monarchie à la République islamique, de 1978 à 1979, en 400 jours, ce n'est pas seulement ce pays chiite à la civilisation millénaire qui chavire, mais bien l'ensemble du monde musulman, le Moyen-Orient et toute la face du monde qui change. Il suffit de regarder une carte. À la croisée de l'Orient et de l'Occident, coincé entre la mer Caspienne et le Golfe Persique, l'Iran a longtemps été l'objet des rivalités entre puissances européennes, sans jamais rien perdre de sa particularité, jusqu'à devenir, dans le dernier tiers du XXe siècle, un véritable laboratoire politique où s'éprouvent les grands enjeux de notre temps. Pour nous accompagner au cours de ces deux émissions, nous recevrons Ramin Kamran, historien, spécialiste de l'Iran, qui a fui ce pays et le régime des Mollahs au début des années 80. Son dernier livre, intitulé « Le problème théologico-politique de l'islam, le livre infaillible », est paru en 2013 aux éditions L'Harmattan. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA. Attachée de production, Léa Dupouyenquin et Lucille Valéry, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui, Grégory Wallon. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Couloche. شاه بزرگ سیروس شاه شاهان گران روی شاه هخامنشی روی دی روی شاه ایران زمین روی دی زکمینید از جانب من روی دی تر دی ران شاهنشاه ایران روی دی روی دی ران از جانب ملت من je t'adresse mon salut بر تو درود باد au nom de ma nation در این لحظه پرشکوه تاریخ ایران Ce vendredi 15 octobre 1971, sur les ruines de l'antique cité de Persépolis, au moment où Mohammad Reza, le Shah d'Iran, s'adresse à Cyrus le Grand, face à son tombeau, l'image est digne d'une production hollywoodienne. Ce jour-là, le Shah, auto-couronné empereur 4 ans auparavant, organise une somptueuse cérémonie en l'honneur du 2500e anniversaire de la monarchie perse. Alliant mégalomanie et pouvoir personnel, un cocktail bien connu, Mohammad Reza y voit l'occasion, malgré quelques distorsions historiques, de relier le fil de son règne à celui du grand empereur Cyrus et de célébrer ainsi la grande civilisation perse. Pour pareille festivité, le Cyrus du pauvre n'a pas lésiné sur les moyens. Ce devait être le plus grand rassemblement de chefs d'État jamais vu dans l'histoire, ce fut presque le cas. Dans l'immense campement en forme d'étoile, érigé au beau milieu du désert, se croisent potentats, monarques et démocrates, dont Tito, les époux de Ceausescu, Jacques Chaban-Delmas, le premier ministre français, ou encore le roi Constantin de Grèce. Pendant ces quelques jours d'octobre 1971, les yeux du monde se tournent vers l'Iran et surtout vers celui qui y règne, le Shah des Shahs, Mohammad Reza Pahlavi. Ce dernier savoure, son rêve se réalise. Replacer l'Iran sur la carte du monde dans le concert des nations qui comptent. Le chemin fut long et sinueux pour celui qui a succédé en 1941 à Reza Khan, son père, premier roi de la dynastie Pahlavi. L'Iran a cette particularité d'être la première nation du Moyen-Orient à s'être dotée d'une constitution moderne dès 1906. S'il règne, le monarque iranien doit tout de même composer avec un parlement et un cabinet de ministres. Face à l'influence des empires occidentaux, russes ou britanniques, et à l'opposition politique nationale, les premières années du Shah sont instables. Mais petit à petit, Mohamed Reza marque de son empreinte la destinée de son pays. Au début des années 60, il lance la Révolution Blanche, un vaste programme de réformes économiques et sociales qui engage l'Iran sur la voie de la modernisation. Il met en place une profonde réforme agraire qui redistribue les terres aux paysans. En une décennie, le visage de l'Iran change. Les infrastructures se multiplient, les femmes s'émancipent, elles peuvent voter et divorcer, l'enseignement scolaire s'occidentalise. Mohamed Reza poursuit la politique de son père, alliance de nationalisme, de laïcisation et d'occidentalisation de l'Iran. Pour financer ce projet, il s'appuie sur une ressource aussi fabuleuse que maudite, qui coule autant sous les sols qu'elle corrompt les esprits, le pétrole. Et en une décennie, l'Iran de Mohamed Reza s'affirme sur la scène internationale comme la première puissance régionale. Ainsi, en ce mois d'octobre 1971, après 10 ans de révolution blanche, le Shah toise le monde de son succès. Du moins, ce qu'il considère comme tel. Car les observateurs avertis l'auront remarqué, il ne manque qu'une chose, mais non des moindres, à ces festivités surréalistes. Le peuple, oui, ce peuple iranien qui se chargera de rappeler au Shah quelques années après que si la cérémonie de Persépolis est l'apogée de son régime, elle en est aussi le chant du cygne. L'Iran, grâce à la grandeur de son dirigeant, est un îlot de stabilité dans une des régions les plus troublées au monde. C'est un grand honneur pour moi, Votre Majesté, de saluer votre puissance et l'amour que vous portez à votre nation. Le 31 décembre 1977, Téhéran, Palais Salabad. En ce soir de réveillon, le président américain Jimmy Carter est venu célébrer la nouvelle année en compagnie du Shah. Les deux pays ont noué depuis 2 décennies des relations privilégiées. Malgré cette alliance stratégique, le toast porté par Jimmy Carter a de quoi surprendre. Et pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le Shah d'Iran poursuit depuis quelques années une stratégie offensive sur le plan international. Avec le roi Faisal d'Arabie Saoudite, il est à l'origine du premier choc pétrolier de 73. Une stratégie volontairement inflationniste du cours de l'or noir qui provoque une crise économique profonde, en particulier dans les pays industriels de l'Ouest. Mohamed Reza renforce là son rôle de leader du tiers-monde face aux puissances occidentales, mais il prend aussi le risque de braquer son allié américain. Et puis Jimmy Carter, le président démocrate, élu depuis un an, a bâti son programme de politique internationale sur la rupture avec la réelle politique et le respect des droits de l'homme. Or, le Shah d'Iran mène depuis plusieurs années une politique de plus en plus autoritaire dans son pays. Face à la montée des oppositions politiques et sociales, il a durci son pouvoir. Avec le temps, la monarchie iranienne, louée pour sa défense du petit peuple, se transforme en une dictature impopulaire et corrompue. Le Shah prend notamment des libertés inédites avec la constitution iranienne, en rompant avec le tripartisme pour imposer un parti unique en 1975. La SAVAK, le service de renseignement, mène alors une répression féroce, hors de tout contrôle. Les prisons iraniennes se remplissent et les accusations de torture se multiplient. Pourtant, cette visite de Jimmy Carter confirme que l'amitié stratégique irano-américaine transcende les dérives autoritaires intérieures du pouvoir à Téhéran. Alors, on trinque, on danse, on se congratule, une dernière fois avant que tout bascule. Car une semaine seulement après le départ de Jimmy Carter, une étincelle met le feu aux poudres. L'ayatollah Khomeini est un aventurier sans conviction. Un pantin ambitieux, suppôt du colonialisme. Un homme au passé obscur et issu des éléments les plus rétrogrades et réactionnaires du colonialisme. Certains disent même qu'il avait séjourné pendant un temps en Inde et que là, il s'était mis en relation avec le colonialisme anglais. Et c'est pourquoi il devint connu sous le nom de Sayyid Hindi. Sa réputation est restée dans les esprits depuis qu'il se dressa contre la révolution iranienne, dans le but de mettre en œuvre les projets des colonialismes rouges et noirs. Le samedi 7 janvier 1978, dans le quotidien iranien Etelahat, paraît un article intitulé « L'Iran et les colonialismes rouges et noirs ». L'auteur, qui signe sous pseudonyme, rédige, dans un style outrancier, une tribune à charge contre les communistes et les religieux qui s'attaquent à la révolution blanche du Shah. Au cœur de l'accusation, l'auteur s'en prend particulièrement à l'ayatollah Khomeini, exilé depuis 13 ans en Irak, dans la ville de Najaf. On comprend rapidement que la tribune est écrite, en fait, par le pouvoir. Mais pourquoi cette attaque directe contre les opposants du régime? Pourquoi mettre en avant l'ayatollah Khomeini, opposant au Shah au début des années 60 et que la plupart des Iraniens ont oublié? Cet exercice de propagande répond en fait à la colère qui grandit contre le régime du Shah. Il se trouve que la visite du président américain et les photos de la soirée ont particulièrement agacé les opposants au régime qui y voient une preuve supplémentaire de la domination yankee sur leur pays. Pire encore pour le pouvoir, l'opposition au Shah se développe de plusieurs côtés à la fois. Chez les libéraux d'abord, qui voient d'un mauvais œil les atteintes répétées à la constitution iranienne. Chez les mollahs ensuite, le clergé chiite, exproprié de ses terres agricoles depuis la révolution blanche, qui critique la politique occidentaliste du Shah et les atteintes à l'islam. Les groupes marxistes ou islamo-marxistes, fedaïnes et moudjahidines également, qui eux, mènent depuis des années une lutte armée contre le pouvoir. Tous se retrouvent dans la dénonciation de l'opulence et de la corruption qui gangrène un régime et qui accentue la douleur du peuple, sa pauvreté, aggravée par la crise économique. Contrairement à l'effet escompté, la tribune du 7 janvier 1978 agit comme le détonateur du processus révolutionnaire. Le lendemain de la publication, la ville sainte chiite de Qom se soulève et des slogans à la gloire de l'ayatollah Khomeini surgissent. Le lendemain, les opposants religieux sont rejoints par les jeunes pauvres et les commerçants du bazar, poumon économique des villes iraniennes. Ils s'attaquent au siège du parti unique. La police intervient et la révolution iranienne compte ses premiers morts. 40 jours après ces premières manifestations, la ville de Tabriz est le théâtre de nouveaux affrontements. 6 morts et une centaine de blessés, parmi lesquels de nombreux policiers, tel est le bilan des violentes émeutes antigouvernementales qui se sont produites hier à Tabriz, Tabriz, la deuxième ville de l'Iran. Selon l'agence de presse officielle Pars, ce sont des marxistes islamiques qui ont déclenché ces émeutes. Les manifestants ont mis le feu à 4 hôtels, attaqué 8 cinémas et plus de 70 banques. Des écoles également ont été détruites, ainsi que de nombreuses voitures. Au total, 134 incendies ont fait rage dans divers quartiers de la ville. Mais le dernier mot est resté à la loi. Le gouvernement a maintenant la situation bien en main. L'ordre et la sécurité ont été rétablis à Tabriz, a déclaré aujourd'hui le ministre iranien de l'Intérieur. Quarante jours. D'emblée, la révolution iranienne s'inscrit sur le rythme de l'islam chiite. Le culte des martyrs de la révolution islamique, calqué sur les 40 jours du deuil de l'assassinat de l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mahomet, fils d'Ali, père du schisme, rythme les manifestations. À partir du 8 janvier 1978, toutes les 4 décades donc, une nouvelle manifestation commémore les martyrs tombés et en provoque de nouveaux. Cycle infernal. Lors des manifestations sont visés en premier les signes occidentaux, les cinémas, les banques, les débits d'alcool ou les lieux de pouvoir. Et ainsi, la révolution s'étend. Mais dans un déni de réalité qui précipitera sa chute, le Shah balaie ses premières émeutes d'un revers de la main. Majesté. Alors, comment expliquer ce malaise, enfin ces troubles? C'est très facile. Nous sommes dit qu'après 13 années de révolution, avec toutes ces réformes, nous avons cru donc que le moment était venu d'accorder le maximum de liberté individuelle à nos gens. Cela a permis de nouveau à ce que nous appelons toujours ici les Noirs et les Rouges, et les Rouges étant les révolutionnaires, et les Noirs sont les réfractaires, les obscurantistes, et se mettent toujours d'accord pour agir contre le progrès du pays. Donc nous voyons ces démonstrations, quelquefois bien organisées d'avance, comme ceux de Tabriz. Nous avons évidemment puni les responsables. Pourtant, le cycle de martyrs continue inexorablement. Le mercredi 29 mars, 40 jours après la manifestation de Tabriz, c'est au tour d'Ispahan, de Shiraz et de Yazd d'entrer dans la danse. Les opposants sont à chaque fois plus nombreux. Les mollahs et les religieux politisés sont rejoints par les libéraux de la mouvance nationale et les étudiants des universités, tous unis contre le Shah d'Iran. De son côté, le pouvoir n'a pas connu de telles manifestations depuis les années 60. Et à chaque fois, la répression fait des morts. Jour après jour, mois après mois, le mouvement s'intensifie. Face à la révolte qui agite le pays depuis 6 mois, le Shah décide enfin d'agir. Dans un premier temps, il commence par libérer certains prisonniers. Le 19 juillet 1978, il remplace le chef de la SAVAK. Quelques semaines plus tard, il annonce la tenue, un an plus tard, d'élections totalement libres. Enfin, il tente un rapprochement avec l'ayatollah Shariat Madri, plus haute autorité religieuse iranienne. Ces mesures, qui vont dans le sens d'une ouverture du régime, sont en réalité perçues par les opposants comme des aveux de faiblesse. De son exil irakien, l'ayatollah Khomeini en profite et maintient le mouvement sous pression. Il donne des interviews dans la presse internationale. C'est à ce moment précis qu'un événement fait de nouveau basculer la révolution iranienne. En plein ramadan, le 19 août 1978, à Abadan, c'est la tragédie. L'Iran est encore sous le choc du monstrueux attentat qui a coûté la vie à près de 400 personnes. Dans un cinéma d'Abadan, la grande cité pétrolière iranienne, un incendie criminel a été déclenché et comme pour ne laisser aucune chance aux spectateurs innocents, les portes du cinéma avaient été verrouillées. Bilan, 377 victimes brûlées vives, pour les deux tiers des femmes et des enfants. Personne n'ose revendiquer la responsabilité d'une telle abjection. Les uns parlent de terrorisme, les autres de provocation. Quoi qu'il en soit, ce drame pèsera très lourd dans l'évolution de la situation en Iran, un pays qui depuis plusieurs mois était le théâtre d'affrontements parfois très violents, très meurtriers, entre les forces de l'ordre et les manifestants. Les images des victimes de drame font rapidement le tour du monde. Immédiatement, la question est sur toutes les lèvres. Qui est responsable de ce geste horrible? Le régime du Shah et les révolutionnaires s'accusent mutuellement. La SAVAK enquête et met en cause l'opposition, forcément. En face, l'ayatollah Khomeini accuse ouvertement le régime, forcément. La presse occidentale lui emboîte le pas. Certains journaux vont même jusqu'à comparer l'incendie du cinéma à celui de Reichstag par Hitler en 1933. Donc, il soupçonne la SAVAK d'avoir elle-même provoqué le drame. L'incendie du cinéma Rex provoque immédiatement le limogeage du Premier ministre. Le Shah nomme alors un certain Jafar Emami, qui engage une série de réformes pour la liberté de la presse, en faveur des fonctionnaires également, et qui rétablit le calendrier islamique. Des mesures pourtant sans effet, car le processus révolutionnaire est déjà lancé. Alors on écoute, on reprend, on distribue les discours de l'ayatollah Khomeini, qui de son exil de Najaf en Irak est devenu en à peine 6 mois le principal opposant de la monarchie. Le Shah, enfermé dans son palais, voit son pouvoir emporté dans le cycle infernal de la révolution islamique. چشمت گر ببینم دل سرماز شود گر گذر کردی زرا هم عشق باران شود نور چشمت گر ببینم دل سرماز شود سر زلفت رو بگیرو سر زلفت رو بگیرو سر زلفت رو بگیرم دل حیران شود گر به پانی در دیارم جان شکر زاران شود ما یار نداریم و غم یار نداریم ما یار نداریم و غم یار نداریم ما یار به جز طالب جبار نداریم ما یار به جز طالب جبار نداریم ما یار نداریم و غم یار نداریم ما یار نداریم و غم یار نداریم La première question que j'ai envie de vous poser vous touche peut-être personnellement. On a beaucoup associé votre dynastie, votre personne, aux événements de ces derniers jours, en allant même jusqu'à employer les mots « fin de règne ». Eh bien, je ne suis pas du tout étonné. Chaque événement qui se passe et qui arrive montre que c'est une action tout à fait coordonnée contre le régime, contre ce que notre règne a représenté, un Iran indépendant, qui ne soit pas aux ordres de l'étranger. Naturellement, il faut aller vers une démocratisation. Et nous allons adopter les mêmes lois qui existent, disons, en France. Nous allons vous copier. J'ai l'impression que vous êtes un peu déçu, Majesté, de tenter de faire quelque chose pour votre pays et peut-être de ne pas être compris, d'être seul. Non, pas tellement. Je crois, j'ai toujours été très mystique. Je crois que je dois accomplir quelque chose. Et rien d'autre ne m'intéresse que ce que j'ai fait et ce qui avait été décidé que je fasse. Le Shah d'Iran est là, face aux caméras françaises, 4 jours après le terrible incendie du cinéma d'Abadan, le 19 août 1978. Ils sont peu à le savoir autour de lui, mais le roi est gravement malade, atteint d'un cancer. Malgré ce secret bien gardé, les journalistes ne manquent pas de le souligner. Lui qui était si ferme, si fort, si tranchant dans ses interviews quelques années auparavant, paraît comme dépassé, épuisé, troublé. Sire, ce n'est pas une révolte, c'est une révolution. Alors, ses appels à l'ouverture et à la libéralisation sonnent creux, tombent à plat, comme s'il était déjà trop tard. D'ailleurs, quelques semaines seulement après l'incendie d'Abadan, les manifestations reprennent de plus belle. Des centaines de milliers de personnes envahissent les rues de Téhéran et des principales villes du pays. Les voix ne se retiennent plus, on appelle à la mort du Shah, on décroche ses portraits pour les brûler. En réponse, le monarque décrète la loi martiale dans certaines villes du pays, comme à Ispahan ou à Tabriz. Le 8 septembre, c'est au tour de Téhéran. Le jour même, les opposants au régime appellent à une grande manifestation place Chalet, en plein cœur de la capitale. De nouveau, ce vendredi 8 septembre, la révolution bascule. Officiellement, les émeutes de Téhéran ont fait 58 morts, mais il est fort probable que le bilan de ce vendredi noir en Iran sera beaucoup plus lourd. Avec l'aide de l'armée, le Shah a sauvé son trône, bien sûr. Les militaires ont écrasé la révolte à coups de canon. Le nombre des blessés est difficile à évaluer, mais les hôpitaux et les centres de transfusion sanguine sont débordés. La loi martiale a été proclamée pour 6 mois et le couvre-feu a été imposé à Téhéran, ainsi que dans 11 autres grandes villes du pays. Les forces armées auraient reçu l'ordre de tirer à vue. Il semble bien que, militairement parlant, le Shah ait la situation bien en main. Ce vendredi noir cristallise les oppositions. Tout au long des mois de septembre et d'octobre 1978, l'Iran entre en ébullition. Le pays est bloqué par une grève générale. Tour à tour, les marchands du bazar, les fonctionnaires, les employés du chemin de fer et surtout les ouvriers des raffineries du pays bloquent tout. L'arrêt brutal de la production pétrolière isole l'Iran. Les manifestations se multiplient, l'université de Téhéran est bloquée par les étudiants. Le soir, des cris s'élèvent des toits de Téhéran, les opposants au régime lancent des slogans dans la nuit, Allah Akbar, Dieu est grand, ou Mark Bar Shah, à mort, le chat. À l'étranger, l'Iran donne l'image d'un pays en pleine guerre civile. Le nombre de victimes, souvent largement augmenté par les opposants et rarement vérifié sur place, renforce l'idée d'un combat inégal des forces de l'ordre tirant à vue sur des manifestants pacifiques. On dénonce la dictature du Shah, sa répression sanglante, et on soutient les aspirations de tout un peuple réuni derrière son leader, l'Ayatollah Khomeini. Un guide qui, depuis le 6 octobre 1978, ne se trouve plus en Irak, dans la ville sainte de Najaf. Non, il est en France, dans la région parisienne, précisément à Neuf-le-Château. Et c'est de là qu'il adresse désormais ses messages et donne ses interviews. Une fois le Shah parti, qui gouvernera l'Iran? Vous? Ou bien est-ce que vous participerez à un gouvernement? Non, ce ne sera pas moi. On choisira un conseil, et dans ce conseil, il y aura un parlement élu au suffrage universel. En fait, c'est ça qui va décider du sort du pays, du sort de l'Irak. Le vieil homme est là, assis au pied d'un arbre dans le jardin ou sur un tapis dans le petit pavillon. Il arbore le turban noir des Sayyids, des descendants du prophète, une longue robe grise, une barbe blanche, un visage fermé et une voix lointaine, grave, retenue. Sur les écrans de télé, la figure du guide de la révolution islamique se dessine et le mythe se construit. Le mythe du sage, de l'exilé, de l'homme modeste, loin, bien loin du chat, reclus, lui, dans son palais, ses dorures, à bout de souffle et de pouvoir. L'Occident prend fait et cause pour Khomeini, qu'on perçoit, dans des schémas trop simples, comme une sorte de Gandhi perse. En France, les intellectuels se mobilisent pour soutenir le mouvement iranien et réclamer le départ du Shah. Le philosophe français Michel Foucault se rend dans le pays en ébullition et rédige une série d'articles dans lesquels il soutient la révolution islamique et le guide chiite. En Angleterre, la BBC diffuse en persan chaque jour les discours de Khomeini. Ce dernier les envoie en Iran sur les cassettes audio. À chaque fois, ou presque, c'est l'image de cet homme qu'on retient, mais le fond de ses discours, parfois d'une incroyable violence, notamment contre les Juifs et Israël, que retient-on? Et à des kilomètres de là, la révolution poursuit son chemin. Ça chauffe en Iran. La marmite bout sérieusement là-haut et on a bien l'impression que d'une façon ou d'une autre, le couvercle va finir par sauter. Il est quand même étonnant de voir dans ce pays où le couvre-feu et la loi martiale restent en vigueur, dont les rues sont étroitement surveillées par des milliers de soldats appuyés par des blindés, malgré les centaines de morts du fameux Vendredi Noir lorsque l'armée a tiré sur la foule. Malgré tout cela, il est étonnant de voir que rien dans ce pays n'empêche les rassemblements, n'arrête les manifestations ni les émeutes. Aujourd'hui encore, des milliers d'étudiants ont manifesté dans les rues de Téhéran. Depuis 3 semaines, on estime raisonnablement qu'il y a au moins 10 morts par jour, que ce soit dans la capitale ou dans les villes de province, gagnées aussi par l'agitation. L'hostilité au Shah est claire. Des manifestants ont même aujourd'hui tenté de déboulonner une statue du roi. Bref, on n'hésite pas maintenant à parler de climat pré-insurrectionnel. C'est dire où en sont les choses. Le 6 novembre 1978, le Shah sait qu'il est acculé. Alors, il décide de s'adresser directement à la nation. Ce sera la dernière fois. En direct, le visage marqué par la fatigue et la maladie, la voix faible, il déclare « J'ai commis beaucoup d'erreurs. J'ai entendu la voix de votre révolution. » Les mots marquent les esprits, car le chat reconnaît des erreurs et il emploie pour la première fois le terme de révolution. Dans la foulée, il change pour la deuxième fois de premier ministre et nomme le général Azari. Après avoir tenté la voie de la conciliation et de la réforme, le chat s'en remet donc à un autre pilier de son régime, l'armée. La nomination d'un gouvernement militaire produit ses effets. Les grèves cessent, les commerces du bazar rouvrent leurs portes, le calme revient dans les rues. Les mesures prises par le général Azari sont bien accueillies par la population. Une commission est ouverte pour enquêter sur la fortune de certains membres de la famille du Shah. Et on arrête Oveida, ancien premier ministre, un personnage particulièrement ciblé par les manifestants. Face à cette évolution, l'Ayatollah Khomeini et les opposants religieux sur place relancent le mouvement. Les 10 et 11 décembre, jour de l'Ashura, qui commémore le martyr de l'imam Hossein, figure centrale de l'islam chiite, sont l'occasion de manifestations exceptionnelles dans les rues de Téhéran. Il y avait ce matin une foule considérable, plus importante et plus dense encore que le cortège d'hier. et pourtant, vous vous en souvenez comme étant la procession la plus imposante jamais vue à Téhéran. Beaucoup s'accordent à penser qu'il y avait ce matin dans les rues près des deux tiers des habitants de la capitale iranienne. Le leader spirituel de notre révolution, c'est Khomeini, voilà ce que criait la majorité de la foule ce matin. Mais sur ce point, certains, comme cet étudiant iranien qui suivait la manifestation, estiment en fait que les slogans sont beaucoup plus contre le Shah que pour Khomeini. La manifestation est beaucoup plus dure que hier, elle est beaucoup plus politisée, et je pense qu'elle sera plus nombreuse. Vous avez le sentiment qu'il y a une unanimité des gens contre le Shah ou une unanimité des gens derrière Khomeini? Je pense plutôt contre le roi que pour Khomeini. Malgré que Khomeini est devenu un symbole parce qu'il n'y en avait pas d'autre. La démonstration de force des journées d'Achoura frappe les esprits. D'autant que ce lundi 11 décembre, une mutinerie a lieu dans la caserne de Lavizan, au nord de la capitale iranienne, qui abrite l'une des unités les plus importantes de l'armée. Premier signe d'un basculement d'une partie des militaires en faveur des manifestants. Mais le Shah n'est pas au bout de ses peines, puisque le général Azari, chef du gouvernement militaire, est victime d'une crise cardiaque. Les solutions de Mohamed Reza pour conserver son pouvoir s'amenuisent jour après jour. Le 31 décembre, il annonce la nomination de Shapur Bakhtiar, son quatrième premier ministre en un an. L'homme est peu connu des Iraniens, mais il appartient au camp des opposants libéraux du régime. Sa nomination annonce inévitablement un retrait du Shah dont la rumeur du départ s'intensifie. Dans le même temps, à plusieurs milliers de kilomètres de Téhéran, une autre partie de la révolution iranienne se joue. Le 5 janvier 1979, dans les Caraïbes, le président français Valéry Giscard d'Estaing réunit autour de lui les chefs d'État ou de gouvernement des trois grandes puissances occidentales. Jimmy Carter, l'Américain, James Callaghan, le Britannique, et l'Allemand, Helmut Schmidt. Au sommaire des discussions, la crise iranienne, bien sûr. Les quatre hommes conviennent, le temps du Shah est fini. Ils doivent désormais se rapprocher de l'opposition pour préparer l'après-révolution. Le 11 janvier 1979, c'est même Cyrus Vance, le secrétaire d'État américain en personne, qui annonce le départ imminent du Shah. Cinq jours plus tard, le 16 décembre, il est environ 16h, lorsque le Shah d'Iran arrive sur le tarmac de l'aéroport international de Téhéran. La version officielle parle de vacances, mais tous savent qu'il abandonne le pouvoir. Le visage marqué, visiblement ému, Mohamed Reza est entouré de quelques fidèles et de ses proches. Il s'avance vers les marches de l'avion, prend lui-même les commandes de l'appareil et s'envole vers l'exil après presque 40 ans de règne. Dans la rue, un spectacle inoubliable, des milliers de klaxons, des dizaines de milliers de fleurs, de bonbons, de gâteaux jetés par poignées pour la fête. Des centaines de milliers de portraits de l'ayatollah Khomeini affichés dans les moindres recoins de Téhéran. Des grappes humaines sur les camions militaires, des gens qui s'embrassent sans se connaître, des femmes qui pleurent en agitant leur voix en V pour victoire. Téhéran a littéralement explosé cet après-midi, une heure à peine après que le souverain iranien ait quitté Téhéran pour Assouan. On a déboulonné des statues, on a une nouvelle fois défilé, on a chanté. L'armée s'est retirée de la capitale iranienne en milieu d'après-midi, et maintenant que la nuit est tombée, avec le couvre-feu, la frénésie populaire s'est éteinte. Pour la première fois depuis des années, on a vu ce soir des drapeaux rouges et des portraits de Lénine dans la capitale iranienne. Du côté du pouvoir comme du côté des religieux, on redoute les débordements. Pendant que le peuple iranien célèbre le départ de son ancien roi, le Shah arrive en Égypte, accueilli par le président Sadat. Il y restera quelques jours avant d'entamer un périple vers les Bahamas, puis le Mexique ou encore le Maroc. D'empereur, il passe à persona non grata, la plupart des pays lui refusant l'asile. Pendant ce temps, son ennemi, l'ayatollah Khomeini, arrive triomphalement à Téhéran le 1er février 1979, au milieu d'une foule immense venue acclamer le retour du guide de la révolution islamique. Deux trajectoires en miroir qui signifient le basculement de l'Iran d'un régime à l'autre. Le 27 juillet 1980, Mohamed Reza meurt des suites de sa maladie en Égypte, au Caire, après plus d'un an et demi d'exil à travers le monde. Il ne déclarera jamais officiellement son retrait de pouvoir, mais il fut acté, emporté par le peuple iranien. Une fin de règne résumée par cette phrase du roi du Maroc Hassan II qui dit au Shah un jour « Reza, sais-tu quelle a été ta grande erreur ? Tu aimais l'Iran plus que les Iraniens. » Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la chute du Shah d'Iran. Notre invité, Ramin Kamran, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes historien, spécialiste de l'Iran. Vous avez vous-même fui l'Iran et le régime des Mollahs au début des années 80. Votre dernier livre, intitulé « Le problème théologico-politique de l'islam, le livre infaillible », est paru en 2013 aux éditions L'Harmattan. Alors, revenons d'abord sur le Shah d'Iran. On l'a vu, son parcours épouse tout un pan de l'histoire contemporaine iranienne. Son accession au pouvoir, par exemple, en remplacement de son père, témoigne de l'influence des puissances européennes sur ce pays. Il y a un lien direct entre le Shah, la dynastie Pahlavi et l'Occident. Tout à fait. Tout à fait. À vrai dire, le père a été remercié à l'occasion de l'occupation de l'Iran pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est très simple. On l'a chassé. Les Russes, les Soviétiques qui sont rentrés du Nord et les Anglais qu'il avait mis au pouvoir. Ils sont entrés depuis le sud, et puis ils ne voulaient plus de lui. Il ne s'était pas montré suffisamment flexible, ou peut-être les dernières années, quelques sympathies, quoique vagues, envers l'Allemagne nazie. Ça n'avait rien donné, mais le fait de pouvoir se distancer des Anglais, c'est une perspective qui le séduisait. Quand le jeune Shah, à 20-21 ans, arrive au pouvoir, il ne peut rien faire, il est obligé de suivre la Constitution. Et cette situation de liberté ou de respect de la Constitution va arriver à un niveau où il faut, d'une certaine manière décider si on veut un régime libéral parlementaire ou autre chose. La grande figure est naturellement Mossadegh, qui ne fait pas que nationaliser les pétroles face aux Anglais, mais qui veut faire respecter la Constitution, qui est le fruit de la révolution constitutionnelle, la grande révolution libérale de 1906. Donc là, ce sont les Américains qui arrivent avec les Anglais en 1953, c'est le coup d'État, Mossadegh est démis de pouvoir, emprisonné, et de là, le Shah peut se lancer dans le modèle autoritaire de son père. C'est ce qu'il fait. Et petite note, j'ajouterai le fait que oui, bien sûr, c'est la monarchie, il y a la pompe de la monarchie, il y a la perspective historique de la monarchie, mais quand vous regardez le régime Pahlavi sur le fond, au fond, c'est un régime autoritaire qui s'appuie sur l'armée, aussi prosaïquement que ça, dont les exemples sud-américains sont fort nombreux, et dans le tiers-monde, d'une manière générale... En Afrique aussi. Absolument, on n'en compte pas les exemples. C'est cet aspect-là qui est au fond, disons, qui explique la situation. Naturellement, cette dictature devient de plus en plus dure, surtout, disons, le Shah a de plus en plus de confiance en lui-même, de plus en plus d'argent à sa disposition, notamment après le boom pétrolier. Et donc, il se laisse aller. Alors, il mène quand même ce qu'on appelait la révolution blanche. On l'a expliqué dans le récit. Comment vous la recevez-vous, cette révolution blanche? Qu'est-ce qu'il y a de révolutionnaire là-dedans? C'est effectivement une révolution. Parce que regardez, le pays, jusqu'en 60, était un pays dont la structure sociale était largement traditionnelle. On parle de la révolution constitutionnelle, on parle du Parlement et tout le reste, mais la structure, d'abord, la propriété de la terre agricole, qui était la principale richesse, classiquement, avant le pétrole, je veux dire, et la situation, je dirais, les rapports sociaux, tout simplement. Il fallait faire quelque chose. En début des années 60, c'est l'arrivée au pouvoir de Kennedy qui pose un problème au Shah. Kennedy donne l'impression de vouloir de l'ouverture un peu partout et de ne pas s'appuyer, à la manière de Eisenhower, uniquement sur la répression pour contrer les communistes. Oui, genre le livre de Rostov, que tout le monde a oublié d'ailleurs, date de l'époque. On va faire de la croissance, mais sans le soviétisme, sans le, sans passer par des modèles démocratiques, je dirais, libérales, occidentales aussi. Régime autoritaire, croissance à la clé. Il faut reconnaître que, par exemple, ça a marché en la Corée du Sud, c'est un bon exemple. Donc, en Iran, qu'est-ce qu'il fait le Shah? Il veut être sûr du soutien des Américains, réforme agraire, amélioration de la situation des femmes. Les deux sont des acquis. Et laïcisation également. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'est inspiré, que le père du Shah d'ailleurs, s'est inspiré notamment de l'exemple turc, Atatürk. Voilà un autre pays musulman, non arabe, comme l'Iran, et qui a emprunté ce chemin aussi, qui passe par la laïcisation. Est-ce qu'on peut faire un parallèle? Absolument. En ce qui concerne l'Atatürk, il faut lui rendre justice. L'effet, le rayonnement de l'exemple qu'il a donné est allé bien plus que l'Iran, bien plus loin que l'Iran voisin. Jusqu'en Tunisie, partout, il a créé un ordre de choc très, à mon avis, bénéfique. Bien que par la suite, le fait que le régime était autoritaire a créé des complications qu'on voit aujourd'hui. Mais dans le cas de l'Iran, sans doute, le père du Shah est allé dans cette voie et le Shah a continué. En 60-62, pendant cette période de crise, naturellement, l'octroi de droits de vote aux femmes et la réforme agraire ne plaisaient absolument pas aux mollahs. Et c'est à cette occasion que Khomeini, pour la première fois, est entré dans l'arène politique comme, un acteur sérieux et important. Et il a donné un coup pour dire « désormais, il faut compter avec moi ». Alors, je précise au passage que deux pays arabes, cette fois, sont aussi passés par la voie de la laïcisation, c'est l'Irak et la Syrie, avec le parti Baas. Mais la comparaison s'arrête là. Alors, en 73, il y a ce choc pétrolier. Est-ce que, pour vous, c'est la date déterminante d'un Iran qui revient dans le concert des nations, mais avec une sorte de chantage quand même. Oui, regardez cette histoire de... L'augmentation du prix du pétrole fait suite au fait que le dollar est détaché de l'étalon or. Il ne faut pas l'oublier. Autrement dit, ces pays, bien que menés par des régimes autoritaires, ont eu un discours qui disait « Vous voulez nous payer en monnaie de singe, il faut être sérieux, il faut payer plus cher. » Mais, oui, d'accord, vous avez de l'argent. Mais qu'allez-vous faire de l'argent ? On pense qu'une manne ne fait... fait jaillir le bonheur de cette manne pétrolière, tandis que ça a été le contraire. Regardez, en ce qui concerne le chat, même les technocrates du régime, à l'époque, le mettaient en garde contre l'injection de grandes sommes de liquidités dans une société qui était incapable de l'absorber, tout simplement. D'accord, vous avez de l'argent, qu'est-ce que vous allez en faire ? Il n'y a pas de demande suffisante. Non, il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'infrastructure, on achète énormément, il n'y a pas de ports, et tout ce que vous voulez. Donc, crise économique. Crise économique et complications qui ont suivi. Est-ce que les Occidentaux s'inquiètent déjà des ambitions modernistes du chat dans les années 70 ? Est-ce qu'il est déjà question de nucléaire ? Regardez, l'affaire nucléaire était, à l'époque... je dirais très bien maîtrisé et ne suscitait pas d'inquiétude. Pourquoi ? Un, politiquement, le chat était entièrement dépendant des États-Unis. Il n'était absolument pas, à part ça, le genre de personne, je dirais, aventurier qui se lancerait dans des affaires inconsidérées ou même dans des discours inconsidérés. D'un autre côté, le nucléaire civil avait été, comment dire, c'était des compagnies européennes qui étaient en train de les construire et donc, je dirais que ça avait toutes les apparences de la normalité. Quelqu'un qui a la technologie, à terme, peut, parce qu'il n'y a pas de technologie d'un côté militaire, d'un autre côté civil, sur la technologie nucléaire. Il peut l'utiliser d'une autre manière, mais rien d'inquiétant, je dirais, à l'époque. C'était un régime sûr, de ce côté-là. Alors, qu'est-ce qui fait tomber le chat au bout du compte ? On ne va pas refaire toute l'analyse. D'abord, on n'a pas le temps, on l'a déjà fait dans le récit. Mais tout de même, c'est quand même une colère liée au durcissement d'un pouvoir... qui pourtant s'était doté d'une constitution moderne en 1906, alors on va pas refaire l'histoire. Mais pourquoi à un moment le chat, quand il a vu la montée des périls, hein, c'est pas une révolte, hein, c'est une révolution, ou peut-être même avant ça, quand il a senti la montée des colères, et puis aussi le pouvoir de nuisance des exilés, et notamment de Roménie, le premier d'entre eux, pourquoi n'a pas avoir pris un tournant démocratique quand il était encore temps ? Ah, là, c'est une grande question. D'abord, en ce qui concerne la constitution, elle a été mise au frigo dès 1953. C'est oublié. Donc, en ce qui concerne, regardez le régime. Quand vous voulez de la légitimité, il faut renvoyer à quelque chose qui est, comment dire, au peuple, d'une manière ou d'une autre. Et en plus, quand ce sont les Américains qui vous ont mis au pouvoir, vous pouvez faire beaucoup de bien, bonnes choses. Vous pouvez, comment dire, on n'achète jamais un peuple, mais on loue sa silence. On n'achète jamais. Répandre de l'argent, ainsi de suite. Mais sur le fond, est-ce qu'on vous croit ou pas ? Non. Non, et quand ça ne marche pas, vous allez le sentir. À la première crise. Alors, on va écouter une archive assez saisissante. Rapidement, on se rend compte que c'est autour de la religion que les oppositions différentes vont se cristalliser en Iran. Le fait religieux devient un ciment de l'ensemble des contestations. Et dans l'archive qu'on va entendre, c'est une manifestante de gauche, hein, je dis bien de gauche, une étudiante d'université au début de l'année 79. La révolution est en train de réussir, vous allez entendre ce qu'elle répond à la question qu'on lui pose sur la religion, justement. La religion, personnellement, je la vois comme la spiritualité qui accompagne les luttes politiques actuellement en Iran. Et dans ce sens, je ne suis pas séparée de cette spiritualité, de cette, si vous voulez, de l'âme. De cette lutte. La révolution en Iran passe par cette force qui est politique et spirituelle et qui a fait descendre le peuple iranien dans les rues. Mais ça ne vous gêne pas tout de même de manifester à côté de jeunes femmes qui portent le voile traditionnel, le tchador ? Pas du tout. Elles ont la liberté de s'habiller comme elles veulent. Mais vous revendiquez la vôtre également ? Exactement, oui. C'est-à-dire que si demain, un gouvernement islamique s'installait en Iran, est-ce que vous accepteriez de porter le voile ? Non, je ne le porterai pas. Et vous pensez que ce sera possible ? Qu'on vous permettra de ne pas le porter ? La question, de toute façon, en ce moment, ne se pose pas pour moi. Mais je ne le porterai pas, ça c'est sûr. Je disais que ce témoignage était saisissant parce qu'il semble nous indiquer, vous me direz si c'est juste, que finalement, ceux qui ne voulaient pas d'un pouvoir religieux, qui se sont dit, tiens, la religion, enfin, les religieux, c'est un instrument pour faire tomber le chat, bah, se sont retrouvés dans une position quand même assez terrible, non ? Absolument. C'était un merveilleux condensé des illusions de la révolution. En ce qui concerne l'histoire de cette, du voile islamique, ça me fait penser parfois à l'histoire mythologique de la tunique de Nessus, qui est collée à la peau de Hercule pour le tuer. Ouais. Ça a été le voile de Nessus. Ça leur est collé à la tête, les pauvres. On a entendu aussi pendant le récit une considération importante, je ne sais plus quel témoin disait, mais peu importe. Il semblait nous dire que l'Iran s'était jeté dans les bras de Roménie par défaut. C'est pas Roménie qu'on appelait, c'est le chat qu'on voulait expulser. C'est vrai. Regardez, quand vous voulez faire face au chat, il vous fallait un chef qui soit à la hauteur. Et Roménie s'est révélé être le chef qui était à la hauteur. Je ne veux pas parler du projet qu'il a fait suivre, mais le fait de tenir tête au chat, demander son départ et le chasser du pays, il a rempli son contrat. Mais la facture est arrivée après, bien sûr. Bien sûr. Il y a aussi une faute politique de la part du pouvoir, c'est d'avoir mis Roménie au centre des débats. On l'a entendu tout à l'heure, celui qui a écrit de façon outrancière, mais Roménie, c'est l'incarnation du mal. Plus on en parle, plus on en parle. Hein, c'est ça, plus on en fait le... C'est vrai, ce serait long d'expliquer, mais il y a une chose, oui, parce qu'il trouvait en Roménie un adversaire commode. Le chat, se disait le modèle, l'exemple de la modernisation, il avait besoin d'une image de la réaction. Il l'a trouvé en Roménie, et donc c'est lui qui l'agrandissait. Juste une question personnelle, rapidement, puisque vous étiez en Iran. Quand vous avez vu Roménie revenir, quand vous avez analysé politiquement, parce que c'est aussi votre métier, ce qui se passait chez vous, très rapidement, qu'est-ce que vous avez senti avant que Roménie revienne? Regardez, d'abord j'étais pas en Iran, j'étais en France en train de faire mes études. Ah, d'accord. Voilà. Mais je n'ai même pas eu la curiosité d'aller voir Roménie à Neuf-le-Château. Je n'aimais pas le discours religieux politique. Je sortais d'un milieu libéral, je suis resté libéral. Je résume. Mais c'est catastrophique. Écoutez, on en reparlera demain parce que vous allez revenir ici demain, vous connaissez bien le chemin. Et demain, nous aborderons l'arrivée justement de l'ayatollah Roménie. Et puis nous parlerons, parce que j'y tiens, de l'Iran d'aujourd'hui, des perspectives qui s'ouvrent pour ce pays. D'accord. À demain, monsieur, merci. À demain. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui la chute du chat d'Iran, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain donc, la fiction, toujours consacrée à l'Iran, et cette fois au retour de l'ayatollah Roménie. Le destin de l'Iran à cette époque-là est vraiment à la croisée des chemins. Et la victoire de Roménie bouleverse jusqu'à aujourd'hui, on peut le dire, le sort d'une région, le Moyen-Orient et même le cours du monde dans son ensemble. Vous voyez donc l'enjeu, il est important et c'est la raison pour laquelle nous avons consacré deux émissions à cette grande page d'histoire sur l'Iran.